elles ont toutes un goût de pluie. Tous les bancs des trottoirs m'invitent à m'asseoir, des voitures jouent dans les flaques à éclabousser les snacks. Belle comme un alexandrin, je la distingue au loin, alors je cherche mes yeux dans brin de mystère. J'en vois tout quand je la croise, des éclairs, des topazes, des flèches de Cupidon, de l'amour à foison. Et elle passe sans me voir, elle passe une petite étoile filante, un hypercute dans le ventre. Et il y a son parfum suave et fidèle qui la suit comme un chien. Elle est tellement